Activité 16. Mais arrêtez de pousser! J'étais avant vous dans la file. Attendez votre tour comme tout le monde. Non, mais ce n'est pas possible!